Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Du contrat social est un texte rédigé par Jean-Jacques Rousseau en 1862, en moins de 2 ans, et en même temps qu'il achève la nouvelle Héloïse et l'Émile. Dans ce court texte, le philosophe cherche à donner un fondement légitime à l'exercice du pouvoir au sein d'un corps politique. Comment s'assurer de la légitimité d'un pouvoir qui s'exerce sur l'ensemble des citoyens? Comment ces citoyens eux-mêmes peuvent-ils se constituer en peuple? Et qui se trouve le plus à même de gouverner? À peine le texte fut-il publié qu'il fut condamné et interdit à la vente en France, brûlé à Genève et obligea son auteur à l'exil. Alors qu'est-ce que ce texte avait de si subversif? Et en quel sens a-t-il influencé la plus grande partie de l'histoire de la philosophie politique jusqu'à être brandi encore aujourd'hui comme la Bible du peuple en démocratie? Nous avons une semaine pour répondre à ces questions, mais commençons dans l'ordre. La première question la plus évidente, un contrat social, qu'est-ce que c'est? Puisque les uns n'auraient que des droits et les autres que des devoirs. Comment on peut ensemble restaurer ou rétablir un véritable contrat social dans notre pays? On va réformer le marché de l'emploi, on va rénover le contrat social. Notre organisation sociale produit aujourd'hui plus d'injustice que de justice. Le temps est donc venu. Il faut donc en changer. Pour les organisations patronales et les syndicats de travailleurs. Et très soucieuses du contrat social. D'établir ensemble. Et au plus tôt les bases d'un nouveau contrat social pour l'emploi. Et c'est un nouveau contrat social profondément renouvelé. Un contrat social dans lequel les syndicats, les partenaires sociaux, le patronat soient autre chose ensemble que chien et chat. C'est ce qu'on appelle un contrat léonin, déséquilibré, biaisé, tronqué. Et ils veulent manifester leur attachement ensemble à ce que j'appellerais une sorte de contrat social. Et ça passe par une amélioration de la situation du logement, de la famille, de la santé, de la vieillesse, de l'éducation, c'est-à-dire toutes les préoccupations qui sont celles de nos concitoyens. Rien ne le garantit. Bonjour Céline Spector. Bonjour. C'est sous les applaudissements que nous vous donnons la parole ce matin. Alors je précise d'emblée, vous m'avez fait remarquer, évidemment le contrat social n'a pas été rédigé en 1862, mais 1762. Ma chronologie interne est décalée de 100 ans ce matin, ça va être problématique, je compte sur vous pour rétablir la vérité. Vous êtes philosophe, professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université, spécialiste de Rousseau. C'est avec vous qu'on commence cette semaine sur le contrat social. En quel sens le terme de contrat social tel qu'il est employé par Rousseau, l'expression, diffère-t-elle du sens que les hommes politiques que l'on vient d'entendre, François Bayrou, Jacques Chirac, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Lionel Jospin, François Hollande, François Fillon et Michel Rocard donnent à cette expression? Alors merci de commencer par cette question fondamentale. Le contrat social pour Rousseau, c'est l'acte par lequel un peuple est un peuple. Et dans cette simple formule, on trouve une énigme qui est le « est ». L'acte par lequel un peuple est un peuple. On attendait l'acte par lequel une multitude, c'est-à-dire des individus avec chacun leur volonté, devient un peuple. Et donc on a une sorte de performatif, c'est l'acte par lequel un peuple devient un peuple. Et c'est le fondement de toute société légitime. Donc l'idée c'est que tout État, c'est-à-dire finalement toute république gouvernée par des lois, doit nécessairement reposer sur le consentement, sur la promesse, sur l'accord de tous les individus qui décident ensemble de s'associer. Donc pour Rousseau, le contrat social, c'est un acte d'association, ce n'est en aucun cas un pacte de soumission par lequel, par exemple, un peuple se donnerait des chefs ou des maîtres, ou un roi. D'ailleurs, vous venez d'employer le terme de pacte, on le trouve dans le texte du contrat social. Pacte social, quelle différence donc vraiment entre contrat social et pacte social? Il n'y a pas de différence de ce point de vue, les auteurs utilisent indifféremment l'un ou l'autre, en anglais compact, aussi covenant. Donc en fait, il y a toute une palette de termes, il ne faut pas non plus vouloir surimposer une terminologie qui n'était pas parfaitement fixée à l'époque. Contrat social ou pacte social, les deux se disent indifféremment. Parce qu'aujourd'hui, les deux sont employés dans les discours politiques, on a choisi de commencer avec ces discours-là, parce que c'est l'image que l'on se fait aujourd'hui de ce que c'est qu'un contrat social. Contrat social, on l'entend, ça veut surtout dire, dans la bouche des hommes politiques en tout cas, un contrat que le citoyen passerait avec le gouvernement de manière à déléguer à celui-ci la possibilité d'agir à sa place. Est-ce que ça c'est rousseauiste ou pas? Alors justement pas. C'est-à-dire que pour Rousseau, l'acte par lequel le peuple désigne un gouvernement n'est justement pas un contrat. Et c'est ça qui est tout à fait original aussi dans sa position. Il n'y en a qu'un de contrat social, c'est celui qui fonde l'État. Celui par lequel donc des individus décident de s'associer pour fonder, disons, un État légitime. Mais le gouvernement sera le commissaire du peuple, et au fond, ce qui le liera au peuple, c'est le fait de satisfaire les conditions du peuple. Il sera toujours révocable, hein, il devra toujours satisfaire le peuple pour pouvoir continuer à exercer son pouvoir. On va commencer en écoutant la voix de Rousseau, alors à travers celle d'un comédien évidemment, mais on va prendre le texte au sérieux cette semaine et essayer de voir sa postérité, voir son application aujourd'hui en 2019. Mais pour bien connaître le texte, faut-il encore connaître son auteur. Alors je vous propose d'entendre une minute de Jean-Jacques Rousseau qui raconte dans les Confessions les conditions de rédaction de cet ouvrage. Je suis né, j'ai été baptisé à Genève, dans l'église réformée. À 16 ans, je me suis enfui. J'en avais assez d'être battu par mon patron. Je suis allé à l'aventure et pour manger dans l'étourderie de ma jeunesse. J'ai commis l'infamie de me convertir à la religion catholique. Ce n'est qu'après le succès de mes premiers écrits que j'ai décidé de vivre en accord avec mes idées, de vivre uniquement pour la vérité et pour la justice. Et c'est pourquoi j'ai voulu redevenir protestant. Et c'est ainsi que je suis redevenu ce que je souhaitais du plus profond de mon cœur. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève. C'est ce qu'on me reproche aujourd'hui, c'est d'avoir signé de ce titre des ouvrages où je voulais exprimer mon amour de la liberté, ma certitude que seul le régime démocratique était digne de l'homme. Est-il important, Céline Spector, de savoir que Rousseau est citoyen de Genève lorsqu'il écrit ce texte ? Alors, c'est une question extrêmement controversée qu'on ne pourra pas complètement trancher aujourd'hui. Disons que traditionnellement, deux interprétations s'opposent. Pour l'une, Rousseau s'est largement inspiré des institutions de Genève pour concevoir le contrat social et notamment des rapports qu'il pouvait y avoir à Genève entre le Grand Conseil, le Conseil Général, c'est-à-dire le Conseil de tous les citoyens, et le petit conseil, qui est en fait un conseil tenu par des oligarques, hein, pour le dire vite, hein, 25 grandes familles, enfin des grands noms qui se succèdent de génération en génération. Tout le travail de Rousseau étant de revaloriser l'importance du grand conseil, du conseil général, par rapport à l'oligarchie régnante. Et évidemment, on peut dire qu'il y a une forme de vérité dans cet arrière-fond genevois. Mais on a beaucoup aussi, surdéterminer la lecture du contrat social par le fait que Rousseau était en effet citoyen de Genève. Et la manière d'ailleurs dont le contrat social a été reçu à Genève, c'est-à-dire très mal, prouve qu'en réalité, il n'en est rien. C'est-à-dire que en réalité, le texte du contrat social est un texte dont la portée est universelle. Rousseau l'a écrit dans un contexte en France où il dialogue avec les grands philosophes de son temps. On reviendra là-dessus, mais il dialogue avec ceux du siècle précédent, comme Grotius et Hobbes. Il dialogue avec Montesquieu. Il vient d'écrire pour Madame Dupin, il vient de recopier l'esprit des lois. Donc c'est vraiment le texte qu'il a en tête. Il connaît bien Diderot. Donc ce sont ses interlocuteurs directs et il veut se placer à leur hauteur. Et donc le contrat social, c'est-à-dire les principes du droit politique, ce n'est pas du tout un texte de circonstance. Si on veut, disons, comprendre le rapport très complexe et d'amour-haine que Rousseau entretenait avec Genève, il faut lire un peu plus tardivement dans l'œuvre de Rousseau les lettres écrites de la montagne. Car quand Rousseau revient à Genève, et où il est toujours très mal reçu, en réalité, il va être pris à partie dans des conflits constitutionnels internes et il va dire ce qu'il pense de la constitution de Genève, qui à ses yeux est complètement corrompu. Et à ses yeux, loin d'être une république bien ordonnée, Genève en réalité est une forme de despotisme, de tyrannie aristocratique, d'oligarchie, et donc n'a plus rien d'une république alors qu'elle l'a été. Mais quand on lit le contrat social de Rousseau, toute forme de république actuellement existante est corrompue. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas, faire confiance aux républiques existantes si on veut trouver le modèle des institutions politiques. Rousseau, insiste beaucoup sur les conditions de possibilité d'un État juste, et celles-ci sont si strictes. Il faut un État petit, égalitaire, frugal, homogène, culturellement, socialement et politiquement, si bien qu'en réalité, très peu d'États sont capables d'avoir une bonne législation. Le seul exemple que donne Rousseau en Europe, c'est la Corse. D'ailleurs, un peu plus tard, il écrira un projet de constitution pour la Corse. Mais Genève dit-il dans les lettres écrites de la Montagne, a été donné comme le modèle quand même des institutions politiques légitimes, mais ça n'est pas la Genève du XVIIIe siècle. En réalité, c'est une Genève qui, disons, au moment où elle avait des institutions démocratiques, pouvait en effet donner véritablement le pouvoir, plutôt la souveraineté au peuple. Le livre s'ouvre, le premier chapitre du premier livre s'ouvre avec une affirmation qui peut être surprenante et un paragraphe qui donne le projet de l'ouvrage qui va nous accompagner cette semaine. Voici le texte lu par Denis Podalydès. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérive, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car, recouvrant sa liberté par le même droit qu'il a lui a ravi, ou il est fondé à la reprendre, où l'on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature. Il est donc fondé sur des conventions. Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et Jean-Jacques Rousseau qui affirme, dès les premières lignes du contrat social, « L'homme est né libre et partout, il est dans les fers ». Comment faut-il comprendre ce constat, c'est l'inspecteur ? Il est empirique ? Rousseau regarde autour de lui et voit bien que finalement chaque homme est emprisonné. Ou bien est-ce une affirmation qui s'inscrit dans sa propre philosophie, qui consiste à poser que l'homme est libre et constater par ailleurs qu'il est dans les fers? Oui, alors en fait les deux ne sont pas vraiment séparables. C'est-à-dire qu'il faut avoir un standard, un étalon à l'aune duquel juger de la corruption des sociétés réelles. Et donc dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, donc qui est paru quelques années plus tôt, en 1755, Rousseau a donner en quelque sorte l'histoire naturelle de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'humanité s'est corrompue, et comment finalement les différentes inégalités sont apparues, y compris les inégalités politiques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le contrat social va proposer une démarche différente, puisque comment ce changement s'est-il fait, comment l'homme s'est-il asservi ? Je l'ignore, dit Rousseau, alors même qu'il a consacré un ouvrage entier à tenter de répondre à cette question. Donc en un sens, on change vraiment de registre théorique. Et Rousseau veut se placer au niveau des principes. Il va essayer de déterminer les principes du droit politique et donc savoir ce que signifie l'homme est né libre et aussi ce que signifie qu'il peut le rester. Mais c'est lui qui le pose, l'homme est né libre. Comment, enfin, pour le coup, c'est une affirmation qui lui appartient. Alors, pas tout à fait quand même, disons que c'est une affirmation qui n'est pas seulement une affirmation empirique. La liberté naturelle de l'homme existe, Rousseau le pense, et dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, je dirais second discours pour faire plus vite. On l'appelle le second discours. Le second discours, Rousseau a posé en effet que l'homme de la nature, l'homme entre guillemets sauvage, est régi par une forme d'indépendance naturelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de domination dans la nature. Autrement dit, il peut y avoir des différences, mais ces différences ne créent pas de hiérarchie. Elles ne créent pas d'inégalité durable. Et donc, voilà, ça c'est un point de départ qui est ferme. Il n'est pas propre à Rousseau. C'est le point commun à tous les philosophes politiques modernes depuis le XVIIe siècle qui se revendiquent soit du juste naturalisme, c'est-à-dire la théorie du droit naturel moderne, comme Grotius, Pufendorf, Burlamaqui, qui est contemporain de Rousseau, soit comme Hobbes, en réalité, qui lui aussi part de l'égalité naturelle entre les hommes. Donc ça, et de la liberté naturelle des hommes. Donc on n'est pas là sur quelque chose d'original. Mais cependant, lorsqu'il affirme que l'homme est né libre et que partout il est dans les fers, on peut imaginer que c'est la liberté qui soucie davantage Rousseau, que c'est ce qu'il met en avant et que c'est ça qu'il préoccupe dans l'établissement d'une constitution politique. Or, vous l'avez dit, c'est surtout la question de l'inégalité. Et ce sont deux projets politiques différents que de mettre en son centre la liberté ou l'égalité. Alors pour Rousseau, les deux projets sont consubstantiellement liés. Et précisément, tout l'objet du contrat social est de le montrer. C'est-à-dire que quand il se demandera, on viendra peut-être plus tard à ces textes, au livre 2, quels sont les objets de toute législation juste, Rousseau répondra « la liberté et l'égalité ». Et l'égalité est en quelque sorte la condition de possibilité de la liberté qui reste la fin fondamentale de tout État juste. Alors on ne peut pas dissocier ces deux finalités. Pour Rousseau, la liberté, c'est le fait que les individus ne dépendent que de la volonté générale. On reviendra sur ce concept. et qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de citoyen qui soit indépendant de l'État, hein, qui puisse conserver justement sa liberté naturelle. Il va falloir penser justement une autre forme de liberté qui est civile et politique. Et justement, c'est là où ce texte intervient, le terme de contrat social, il faut l'entendre comme, on veut prendre social au sérieux. Social s'oppose ici à naturel, n'est-ce pas ? Ça veut dire que l'homme doit intervenir dans le déroulé de la nature pour faire en sorte que cette liberté puisse rester telle. Oui, alors ce qui est commun à tous les théoriciens dits contractualistes, hein, parce qu'il faut toujours essayer de cerner l'originalité de Rousseau au sein de ce grand dispositif théorique qui, disons, apparaît au XVIIe siècle et qui devient de plus en plus puissant, c'est le fait que, en réalité, des hommes nés libres et égaux vont s'obliger eux-mêmes à entrer dans un État. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi des êtres libres et égaux accepteraient-ils de renoncer à leur liberté, à leur égalité naturelle? A priori, on pourrait dire que c'est tellement précieux que rien ne justifie que l'on y renonce. Et donc, tout ce dispositif très classique, état de nature, état civil, permet de penser les raisons, les motivations qui conduisent l'individu à consentir, à s'associer à d'autres, voire peut-être, pour certains, à se soumettre. L'originalité de Rousseau dans ce dispositif, c'est de dire que tous les consentements ne donne pas lieu à des contrats sociaux. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut un certain type de consentement, il faut des conditions de validité du consentement, et donc il faut rentrer un peu dans le détail. Par exemple, le contrat social ne pourra pas sacrifier la liberté. Donc vous avez parfaitement raison, il y a une opposition radicale entre l'artifice et la nature. Il ne reste rien de naturel dans l'État. Oui. Alors qu'on pourrait dire que dans l'éducation rousseauiste, c'est la nature qui reste la norme fondamentale. Donc on a une dissociation entre morale et politique de ce point de vue. La nature n'est plus la norme de la politique. Mais ça, c'est très très fort comme position, parce que là, il rompt avec tous les tenants du droit naturel qui fondaient la politique sur le droit naturel. Alors, Rousseau, dès le second discours, a totalement rompu avec le jus naturalisme. Bon, là aussi, c'est un lieu très controversé, mais en tout cas, c'est la position que je tiens. Oui. Rousseau a complètement rompu avec les théoriciens du droit naturel, et la loi naturelle n'est pas la norme de la vie politique. En réalité, la norme de la vie politique, c'est la souveraineté du peuple qui va pouvoir la fixer par le biais de la volonté générale. Mais si vous voulez, il n'y a pas de norme extérieure ou supérieure à ce que le peuple voudra. Ça, c'est le premier à affirmer ça ? Alors, ça, c'est une histoire très compliquée que les théories du contrat social. Mais Rousseau est le premier à, disons, considérer que la souveraineté doit être populaire et qu'en même temps, la seule instance légitime pour déclarer les lois est le souverain, et donc le peuple. Parce que l'idée, entre guillemets, selon laquelle il n'y a pas de normes naturelles dans la vie politique, c'est une idée que Hobbes a défendue. Et d'ailleurs, Hobbes est l'interlocuteur privilégié de Rousseau dans ses chapitres du contrat social. C'est-à-dire que Hobbes avait posé de manière extrêmement ferme le fait que dès que nous entrons dans l'État, dans le Commonwealth, la République en un sens, eh bien, nous abandonnons totalement les normes qui pouvaient nous guider, d'ailleurs assez mal, dans le cadre de l'état de nature. Et donc, le souverain sera le législateur, celui qui commandera, en quelque sorte. Les lois seront des commandements du législateur, des commandements du souverain. Rousseau reprend ce principe hobbesien, la souveraineté est absolue, le souverain fait les lois, c'est-à-dire en tout cas il les ratifie, mais la différence avec Hobbes fondamentale, c'est que un monarque ne pourra pas incarner la souveraineté, aucune assemblée partielle, aucune collection d'individus particulière ne pourra incarner la souveraineté, seul le peuple pourra l'incarner. Et pour prouver ça, ou pour établir cette affirmation-là, il met en place un concept, une expression qui est celle de volonté générale, qui fait le lieu jusqu'à aujourd'hui de beaucoup de contresens. Elle est difficile à comprendre. On va essayer de l'expliquer ensemble aujourd'hui, Céline Spector, pour se faire un petit détour par Diderot. Parce que finalement, c'est dans un texte de Diderot, dans un article de l'Encyclopédie, qu'on trouve l'expression de volonté générale. Je vous propose qu'on écoute ce texte. Vous nous expliquerez ensuite comment Rousseau s'en est inspiré et comment a-t-il fait évoluer cette expression. C'est à la volonté générale que l'individu doit s'adresser pour savoir jusqu'où il doit être homme, citoyen, sujet, père, enfant, et quand il lui convient de vivre ou de mourir. C'est à elle à fixer les limites de tous les devoirs. Vous avez le droit naturel le plus sacré à tout ce qui ne vous est point contesté par l'espèce entière. C'est elle qui vous éclairera sur la nature de vos pensées et de vos désirs. Tout ce que vous concevrez, tout ce que vous méditerez sera bon, grand, élevé, sublime, s'il est de l'intérêt général et commun. Il n'y a de qualité essentielle à votre espèce que celle que vous exigez dans tous vos semblables pour votre bonheur et pour le leur. C'est cette conformité de vous à eux tous et de tous à vous qui vous marquera quand vous sortirez de votre espèce et quand vous y resterez. Ne la perdez donc jamais de vue, sans quoi vous verrez les notions de la bonté, de la justice, de l'humanité, de la vertu chanceler dans votre entendement. Dites-vous souvent « Je suis homme et je n'ai d'autres droits naturels véritablement inaliénables que ceux de l'humanité. » C'est à la volonté générale que l'individu doit s'adresser pour savoir jusqu'où il doit être homme, citoyen, sujet, père, enfant, et quand il lui convient de vivre ou de mourir. C'est Diderot qui l'affirme, Céline Spector. En quel sens ici cette expression de volonté générale annonce celle que Rousseau emploiera plus tard dans son contrat social? Oui, c'est fondamental parce que Rousseau est un polémiste. Et donc, il vit de polémiques, et en l'occurrence, le concept de volonté générale, même si Rousseau va lui donner une facture remarquable et originale, a quand même déjà une petite histoire avant Rousseau. Alors, il a une histoire dans la théologie, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais il a déjà aussi une histoire dans la philosophie politique, et c'est Montesquieu qui l'a introduit en réalité avant Diderot, dans un chapitre canonique de l'Esprit des lois sur l'Angleterre. Et je voudrais juste dire un mot très rapide sur l'usage qu'en fait Montesquieu, parce qu'il est plutôt mal connu, et qu'en réalité, Montesquieu a une vision assez négative de la volonté générale. Puisque, à ses yeux, dans les républiques, il y a un risque fondamental, qui est le fait que le peuple puisse à la fois faire les lois et les faire appliquer. Qu'il puisse être à la fois le détenteur du pouvoir législatif, exécutif et peut-être même judiciaire. Et donc pour Montesquieu, dans un État républicain, le risque de corruption majeure vient du fait que l'État peut ravager par ses volontés générales et ensuite opprimer et détruire les citoyens par ses volontés particulières. Montesquieu est le penseur de la séparation des pouvoirs. Voilà, exactement. Et c'est dans ce chapitre, sur la distribution des pouvoirs, que Montesquieu introduit le concept de volonté générale à plusieurs reprises, mais c'est de manière négative. De manière négative. De manière négative parce que c'est un risque constitutif, disons, des républiques, et notamment des républiques italiennes qu'il juge corrompues. Alors, chez Diderot, dans l'article « Droit naturel » de l'encyclopédie, que Rousseau connaît parfaitement, puisqu'il était donc très proche de Diderot à ce moment-là, et qu'il a pensé, disons, dans son article « Économie », disons, un dialogue avec Diderot, c'est la première occurrence du concept de volonté générale. Et d'ailleurs, Rousseau, dans le manuscrit, avait écrit « Volonté collective » avant de rectifier. Donc, c'est dans ce dialogue avec Diderot que Rousseau, disons, crée son propre concept, par opposition, par contraste. Alors, quelle était l'idée fondamentale de Diderot? Diderot voulait repenser le droit naturel contre la tradition spiritualiste, j'essaye de résumer, et contre le justnaturalisme moderne, disons, dans sa version la plus classique. Et l'idée de Diderot, c'était qu'en réalité, ce qui permet à l'individu de connaître ses devoirs, de savoir ce qui l'oblige réellement, c'est l'humanité. C'est l'espèce. C'est parce que nous sommes membres de l'espèce humaine que nous avons des devoirs à l'égard de l'espèce, c'est-à-dire de l'universel. Et donc pour Diderot, la volonté générale, qui n'erre jamais, comme le dira aussi Rousseau, qui a certaines propriétés fantastiques, d'être la règle de justice, eh bien, cette volonté générale, c'est la volonté fondamentalement de l'espèce. Alors Diderot est en fait un peu plus ambigu dans l'article « Droit naturel » qu'il a dû écrire assez vite, donc il y a une ambiguïté dans l'article. C'est à la fois la volonté de l'espèce et en même temps, il le dit quand même, c'est aussi la volonté du corps politique, c'est-à-dire celle qui nous permettra de connaître, disons, de viser l'intérêt général. Et dans un autre article, l'article grec de l'encyclopédie, Diderot proposera lui aussi cette vision, disons, de la volonté générale incarnée dans un corps politique. Mais Rousseau voit bien cette ambiguïté fondamentale. Et donc, en fait, il va, dans un texte du manuscrit de Genève, qu'il n'a pas publié, le manuscrit de Genève, c'est le texte préparatoire au contrat social, qui finalement n'a pas été publié, dans un texte du manuscrit de Genève, Rousseau se moque de Diderot, il tourne, disons, en dérision l'article droit naturel de l'encyclopédie en disant « Mais montrez-moi l'homme qui est capable de se séparer de son intérêt particulier pour satisfaire les désirs ou les volontés prétendues de l'humanité. » Quel est ce concept d'humanité? Quel est cet universel qui nous conduirait à nous séparer de nous-mêmes? » Donc Rousseau prétend être en un sens plus réaliste que Diderot. et dire, mais non, la force de l'égoïsme humain est telle que nul ne sacrifiera son intérêt à une sorte d'idéal de l'humanité. L'humanité est un concept, hein, c'est une collection d'individus, elle ne nous oblige en rien. Et donc, pour savoir ce qui nous oblige, bah, il faut penser à un corps politique. Et au sein de ce corps politique, un lien social, et là, nous aurons un sentiment d'appartenance, le sentiment d'appartenir à un moi commun, et nous serons réellement, nous sentirons réellement ce qui nous oblige. C'est là le génie de Rousseau d'avoir mis au point un texte et un concept, hein, celui de volonté générale, qui permettent de penser un respect, une obligation envers la volonté générale sans renoncer à son intérêt particulier. C'est ça en fait la volonté générale. Exactement. Alors bon, il y a beaucoup d'obscurité dans ce concept, hein, et j'espère qu'on réussira un tout petit peu à les éclaircir. Mais disons que l'idée de Rousseau, hein, c'est de combiner une approche, on pourrait dire, disons en termes de réalisme, hein, il faut partir des hommes tels qu'ils sont, et Rousseau reste machiavélien en ce sens, ou hobbesien, ou proche de Montesquieu, hein, il faut partir des passions humaines, et en particulier de l'amour de soi, c'est-à-dire du désir de se conserver, et concevoir les lois telles qu'elles peuvent être. C'est-à-dire quand même donner, disons, une orientation idéale à la volonté, hein, savoir quel doit être le standard de la liberté, qu'est-ce qu'un État libre, qu'est-ce qu'un État juste, qu'est-ce qu'un État légitime, pour pouvoir tendre vers cet idéal. Et donc, le génie de Rousseau, c'est effectivement de dire que la volonté générale, ça n'est pas une sorte de volonté idéale, hein, qui planerait dans un ciel platonicien des idées, mais, j'espère qu'on pourra l'expliquer, ça n'est pas non plus le fruit contingent, le fruit purement contingent de n'importe quel vote, dans une assemblée du peuple. Hein, il y a des conditions pour que la volonté générale s'exprime et se déclare. Mmh. Et donc, entre les deux, la volonté générale, pour peut-être essayer d'approcher un peu le concept, c'est la volonté du citoyen, tout simplement, dans une société bien ordonnée. C'est-à-dire que c'est la volonté de chacun, dans un état juste, en tant qu'elle vise le bien commun, c'est-à-dire l'avantage de l'État au sein duquel le citoyen se trouve. Autrement dit, la volonté générale, c'est la volonté de chaque citoyen en tant qu'il vise le bien commun du corps politique dont il est membre. Donc il faut parier sur le fait que la volonté de chacun vise le bien commun du corps politique dont il est membre. Alors c'est pas un pari pour Rousseau, c'est ça précisément qui est important. Il faut comprendre que Rousseau essaye de penser les conditions de la volonté générale. Évidemment, si on pouvait dire que n'importe quel vote est légitime, ben voilà, on aurait perdu toute la force normative du contrat social. Mais précisément, Rousseau veut nous dire que la volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous. La volonté de tous, c'est la somme des volontés particulières. Hein. Par exemple, dans n'importe quel vote, on pourrait dire le résultat de ce vote, c'est la volonté de tous. Mais la volonté de tous ne s'identifie à la volonté générale que sous certaines conditions qui sont très strictes. Par exemple, hein, on peut en donner quelques-unes, hein, conditions institutionnelles, il faut que le peuple soit suffisamment informé quand il vote. Hein, il faut que quand le peuple suffisamment informé délibère, hein, et décide, eh bien, voilà, il puisse exprimer sa volonté générale. Il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas de société partielle. Que chaque citoyen n'opine, hein, c'est-à-dire ne réfléchisse, hein, n'opine que d'après lui. Autrement dit, hein, il faut éviter des formes de déférence. Il faut éviter que les citoyens subissent la pression de grandes familles, d'oligarques, de ce que nous appellerions aujourd'hui peut-être des partis ou des lobbies ou des associations. Enfin, en tout cas, il faut éviter que le corps politique soit scindé, divisé en sociétés partielles qui fassent écran entre le citoyen et l'État. Mais c'est terrifiant ce que vous décrivez là, un État, enfin, des citoyens qui ne sont pas scindés, qui forment un tout, la volonté générale qui va en retour régir la vie de chaque citoyen, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme, c'est quelque chose, s'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, si c'est chacun qui décide pour tout le monde et tout le monde qui décide pour chacun. Alors, la lecture, disons, selon laquelle Rousseau aurait été, disons, à la fois celui qui aurait idolâtré la liberté et celui qui en aurait été le fossoyeur. Cette lecture, elle arrive très tôt, hein, après la Terreur, après que Robespierre, disons, oui, parce qu'on est moins de 30 ans avant la Révolution française, en 62, et le texte est lu par les révolutionnaires. Alors, le texte a eu évidemment une influence fondamentale, surtout pendant la deuxième période de la Révolution française. La première est plutôt dominée par la figure de Montesquieu, pour le dire vite. Le contrat social devient un texte absolument fondamental et dominant dans la deuxième phase. Alors, notamment à travers la figure très controversée, bien sûr, de Robespierre. Mais il faut dire que Robespierre était aussi très influencé par Montesquieu. Donc, il ne faut pas non plus simplifier de manière, disons, exagérée la figure de Robespierre. Mais sans rentrer dans le détail, ce qui est important, c'est que pour des libéraux du XIXe siècle, hein, le libéralisme féminisme apparaît après la Révolution, des libéraux comme Benjamin Constant, il est clair que Rousseau, c'est l'apôtre de la liberté des anciens. C'est-à-dire d'une liberté participative, la liberté du citoyen, c'est la Rome républicaine, c'est Sparte. Mais ce n'est pas véritablement la liberté des modernes qui suppose le gouvernement représentatif, le gouvernement limité, la garantie d'une charte de droits individuels, de garde-fous qui s'opposent à la souveraineté absolue. Alors au XXe siècle, à l'occasion, disons, voilà, des grands totalitarismes, staliniens et puis nazis, fasciste aussi, disons qu'il y a eu de nouveau une lecture de Rousseau, hein, une lecture antitotalitaire, une sorte de libéralisme de guerre froide qui a voulu figer Rousseau comme un adversaire des libertés individuelles, avec l'idée que puisque le contrat social est une aliénation totale de chacun avec tous ses droits, avec toute la communauté, il n'y a plus aucun garde-fou. Alors pourquoi pas dire que c'est la dictature de la volonté générale ? Pourquoi pas dire que c'est le parti unique ? Pourquoi ne pas dire qu'il faut une éducation publique et l'assimiler à l'éducation des jeunes pionniers ou à l'éducation, pire encore, de la jeunesse hitlérienne ? Donc évidemment, tout ça est une lecture extrêmement manichéenne. Hein. Alors, ce qu'on doit dire quand même, pour essayer de restituer, alors c'est quand même un dossier assez compliqué, ce qu'il faut essayer de dire pour restituer la vérité philosophique, c'est que Rousseau était extrêmement soucieux de la sécurité de chacun au sein d'un État juste, au sein d'une société bien ordonnée. Donc il n'y a pas en lui l'idée qu'on pourrait sacrifier des innocents ou sacrifier des libertés au profit du tout. Il n'y a pas d'organicisme chez Rousseau, il n'y a pas non plus de théorie totalitaire au sens où quelqu'un pourrait être le dictateur qui déciderait, du destin de chaque citoyen. Le principe de la volonté générale, il faut rentrer dans un petit peu plus de détails, c'est précisément que nécessairement la volonté générale évite la dictature. Alors pourquoi ? Parce que la volonté générale, c'est la nôtre. C'est celle de nous, le peuple souverain. C'est-à-dire que, sinon, c'est une volonté particulière. Un dictateur pourrait l'incarner, mais ça n'est plus la volonté générale. La volonté générale du peuple souverain, c'est la volonté du corps politique qui forme un moi commun, une sensibilité commune, au sein de laquelle chaque citoyen s'inscrit. Et donc, il est vrai que ça suppose une éducation, une formation des mœurs. Il est vrai qu'il faut des goûts communs, des finalités communes, des désirs partagés. Ça, c'est absolument réel. Mais ça ne veut pas dire que ces fins communes sont imposées d'en haut de manière violente et autoritaire. Au contraire, pour Rousseau, la sévérité des peines et la violence dans l'État est toujours le signe d'un échec. En réalité, c'est le fait que les mœurs ont été mal formées. Donc vous reparlerez du législateur dans la semaine. Mais ça veut dire que la loi doit être le reflet très fidèle de chaque citoyen, c'est ça ? Elle est coercitive que dans le sens où elle protège son intérêt. Il faut en effet, et vous avez parfaitement raison, introduire la médiation du concept de loi pour comprendre le mécanisme de la volonté générale. Parce que si la volonté générale n'est pas la volonté universelle de Diderot, si elle n'est pas non plus une volonté particulière, celle d'un souverain particulier comme chez Hobbes, il faut comprendre quel est son mécanisme. Et pour Rousseau, ce qui est le secret du mystère qui n'en est pas un, justement, de la volonté générale, c'est le fait que la volonté générale part de tous pour s'appliquer à tous. Et c'est donc l'identité du sujet et de l'objet de la volonté générale qui est la garantie de la justice. Donc qu'est-ce que nous généralisons dans la volonté générale? Nous généralisons notre intérêt. Alors, il y a toute une discussion chez les commentateurs de Rousseau pour savoir quel est cet intérêt que nous généralisons. Est-ce que c'est notre intérêt en tant qu'homme, tout individu, avec ses désirs, ses volontés particulières, ses finalités privées, ou est-ce que c'est notre volonté en tant que citoyen? Et donc moi, ma position, c'est qu'en effet, c'est notre volonté en tant que citoyen. Et il faut le travail de dénaturation du législateur, que vous étudierez un peu plus tard dans la semaine, pour comprendre comment l'individu devient un citoyen, c'est-à-dire un membre, une unité fractionnaire du corps politique, qui résonne en termes de bien commun, d'avantage commun, d'utilité publique. Rousseau utilise tous ces termes. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce que la volonté générale ? C'est la volonté à laquelle je réponds, en quelque sorte, lorsque dans l'Assemblée, on me demande ce qui est avantageux pour l'État, ce qui est avantageux pour le corps politique. Est-ce que cette loi est avantageuse ou non pour la totalité à laquelle j'appartiens ? Et lorsque je réponds, je ne me demande pas est-ce que c'est dans mon intérêt personnel, je ne me demande pas est-ce que c'est dans l'intérêt de mon groupe d'appartenance, de ma classe sociale, de mon parti politique, etc. Je me demande si oui ou non la mesure qui est proposée, la loi qui est proposée est conforme ou non à l'intérêt de la totalité à laquelle j'appartiens. Au fond, c'est qu'ancien comme méthode, c'est-à-dire qu'agis de telle manière que ta maxime puisse être appliquée de manière universelle. C'est penser à l'universel avant de penser à soi. Alors, c'est justement pas l'universel, c'est ça la grande différence entre Rousseau et Kant, mais Kant est un immense lecteur de Rousseau. C'est le général, c'est-à-dire la généralité. Et on utilisait ce terme au XVIIIe siècle pour dire la généralité du corps politique. La généralité, c'est la généralité des citoyens, l'ensemble formé par tous les citoyens, tout simplement. Tout simplement, mais c'est déjà énorme. C'est-à-dire qu'on part, encore une fois, c'est le fruit d'une éducation et d'une instruction et d'une certaine culture, mais d'arriver à faire en sorte que je choisis, je prends une décision en fonction du général et pas du particulier, c'est là tout l'enjeu et toute la tension que traverse ce texte-là. On va écouter encore un extrait. On va écouter un extrait du chapitre 3 du deuxième livre du Contrat social. Si la volonté générale peut errer, et en effet, elle le fait, dans ce texte-là, Rousseau va distinguer la volonté générale de la volonté de tous, on reviendra là-dessus, et montrer que de la prolifération des associations peut naître un danger pour Rousseau. La volonté générale est toujours droite et tend toujours à l'utilité publique. Mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude. On veut toujours son bien, mais on ne le voit pas toujours. Jamais on ne corrompt le peuple, mais souvent on le trompe, et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal. Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale. Celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun, l'autre regarde à l'intérêt privé, et n'est qu'une somme de volontés particulières. Mais ôter de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entre-détruisent. Reste pour somme des différences la volonté générale. Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n'avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, et la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, et particulière par rapport à l'État. On peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes, mais seulement autant que d'associations. Comment faire en sorte que les délibérations du peuple soient à la hauteur et à la mesure de la volonté générale? C'est la question que pose ce chapitre, donc le chapitre 3 du livre 2 du Contrat social. Céline Spector, repartons de la fin de ce texte, si vous le voulez bien, parce qu'il parle de ces associations partielles qui dépendent de la grande, qui se font aux dépens de la grande. Et c'est assez surprenant, parce que vous avez bien dit en quel sens, pour que cette volonté générale puisse s'appliquer et puisse être légitime, il faut que chaque citoyen puisse prendre en compte l'intérêt de la volonté générale avant le sien, et donc qu'il fasse l'objet d'une éducation politique. Les lecteurs de Tocqueville auront en tête que pour Tocqueville, c'est par l'association que cette culture et cette éducation politique se fait. Or, Rousseau semble ici nous dire l'inverse. S'il y a trop d'associations, ça nuit à la volonté générale. Alors, qu'en est-il? Oui, alors c'est vrai qu'il y a deux grandes tendances, pour simplifier un peu, dans la philosophie politique moderne. Une tendance rousseauiste qui privilégierait le face-à-face, entre guillemets, entre le citoyen et le corps politique. Et une tendance qui est issue de Montesquieu, et dont Tocqueville est l'héritier, qui privilégie l'idée de la subdivision du corps social en instances séparées, chacune exprimant son intérêt, avec l'idée que les intérêts s'entrechoqueront nécessairement parce qu'il n'y a pas de bien commun et que donc il faut faire en sorte que les pouvoirs s'opposent les uns aux autres pour éviter qu'une partie du corps politique opprime l'autre. Donc on a vraiment deux visions politiques totalement différentes. Et Rousseau part de l'idée selon laquelle l'amour de soi, naturel à tout homme, peut s'étendre au corps politique, par le biais précisément du travail sur les mœurs et du travail du législateur, et puis en général, ensuite, parce que les citoyens s'observent mutuellement et ont des garanties de réciprocité. Et donc, grâce à ce dispositif, l'idée de Rousseau, c'est plutôt qu'il faut étendre l'intérêt à un intérêt, disons, élargi, et que l'intérêt de l'homme va s'étendre et devenir intérêt du citoyen. L'objet de l'amour de soi, ce ne sera plus mes désirs et mes ambitions particulières, ce sera l'amour de la patrie. C'est-à-dire que je ne désirerai plus que le bien, la conservation, le bien-être de ma patrie. Et donc, cette transformation, elle ne doit pas se faire dans la violence, hein, pour Rousseau, elle doit se faire progressivement, grâce à des dispositifs. Et en réalité, lorsqu'un citoyen devient vraiment ce membre fractionnaire du corps politique, c'est spontanément, en un sens, qu'il désire le bien de sa patrie. Il désire sa conservation. Donc la volonté générale en chacun, et le triomphe, on pourrait dire, de la volonté générale en chacun, vient du fait que chacun va spontanément, en quelque sorte, hein, ben, c'est l'effet d'un processus, mais en réalité, pour le citoyen, ça sera comme spontané, va spontanément viser le bien commun du corps politique. Et pour Rousseau, sur les objets de la loi, qui sont des objets simples, hein, comme la paix, comme l'union, comme l'égalité, eh bien, ce sera au fond assez facile pour le citoyen de privilégier l'intérêt commun. Rousseau distingue bien, disons, deux processus, hein, et je crois qu'il faut le rappeler, c'est au chapitre 4 du livre 2, donc celui qui suit immédiatement celui que vous venez de commenter, qui est le fait que la volonté générale ne doit avoir des objets que généraux. Sinon, elle se corrompt, elle se pervertit. C'est-à-dire que dès qu'il faut, par exemple, choisir entre des intérêts catégoriels au sein du corps social, alors nous devenons tous partiaux. Naturellement, nous allons vouloir privilégier les uns plutôt que les autres, favoriser ou au contraire charger certaines parties du corps social. Le propre de la volonté générale, pour qu'elle reste générale, c'est précisément qu'il faut éviter d'introduire la scission des intérêts. Et donc que la volonté générale porte également sur tout le corps politique, sur tous les citoyens. Et donc, l'idée de Rousseau, c'est que c'est l'égalité de droit qui est au cœur du dispositif. C'est-à-dire que si je sais que la loi que je vote s'appliquera également à tous, ben je n'ai pas intérêt à charger, entre guillemets, à imposer des fardeaux à certains, puisque je sais que je me les imposerai à moi-même. Et donc, en un sens, c'est la logique de l'intérêt, c'est la logique de l'amour de soi qui prévaut. Ça n'est pas une logique sacrificielle. Ni une logique qui serait ce qu'on appellerait aujourd'hui communautarienne, c'est-à-dire que la multiplication des communautés au sein de la volonté générale est forcément nuisible à l'exercice de la politique pour Rousseau. Absolument. Et ça, vraiment, c'est... Alors, bon, le communautarisme, c'est compliqué, parce qu'il y a un sens, disons, savant et un sens ordinaire. Donc, au sens ordinaire, où il y aurait en effet des communautés au sein de la grande communauté, pour Rousseau, c'est extrêmement pernicieux, c'est quelque chose de très dangereux. Parce qu'alors, nous défendons notre volonté partielle, hein, de même que les magistrats, les gouvernants, risquent toujours de défendre leur volonté de corps. Mmh. Et toutes ces volontés partielles, finalement, interfèrent, parasitent le rapport que nous devons avoir avec la totalité du corps politique. Mais c'est en même temps fidèle à ce que dit Rousseau, parce que ces volontés s'expriment dans la mesure où elles-mêmes font l'objet d'une inégalité. On pourrait le concevoir ainsi, c'est que certaines communautés se forment parce que autour d'une idée qui est celle d'être inégalement traitée par rapport à d'autres communautés. Alors, justement, dans la société bien ordonnée de Rousseau, cela n'arrive pas. C'est-à-dire que l'égalité est la condition de la liberté. Voilà, dans la société bien ordonnée de Rousseau, qui n'est pas la société dans laquelle nous vivons. Non, mais Rousseau ne l'a jamais prétendu. Hein. Et évidemment, nous ne pouvons pas appliquer sans transition, si j'ose dire, le modèle rousseauiste. Il est évident que l'homogénéité des mœurs et des désirs est fondamentale. Alors bien sûr, chacun peut conserver une part de désir individuel, mais pour tout ce qui concerne les affaires générales, tout ce qui concerne les affaires fondamentales de la communauté, toute subdivision est dangereuse. Alors il faut quand même préciser, hein, il y a une petite nuance à apporter dans le texte que vous avez lu, hein, livre 2 chapitre 3, oui. Où évidemment Rousseau essaye de dire qu'il y a toujours un danger parce que les délibérations du peuple peuvent ne pas avoir la même rectitude que la volonté générale. On peut tromper le peuple, on peut le corrompre. Alors il y a le problème des démagogues, hein, mais pas seulement le problème des oligarques. Disons, pour éviter ces phénomènes, dans l'idéal, il faut l'homogénéité et donc des délibérations relativement consensuelles. Mais à défaut du consensus, Rousseau nous dit il y a une méthode qui est moins bonne, qui consiste à démultiplier les associations. Et au fond, si on arrive à subdiviser le corps de manière en quelque sorte encore plus grande, on évite la formation, ce qu'on pourrait appeler une minorité de blocage ou de lobbies très puissants qui vont de toute façon vouloir pousser leurs propres intérêts plutôt que l'intérêt de l'État. Alors de manière très concrète, comment peut s'appliquer cette volonté générale dans le cadre d'une constitution politique ? Est-ce qu'il y a un représentant ou pas ? Comment ça fonctionne ? Alors, bon, le propre est-ce de une Rousseau, démocratie ou pas ? Alors, ce sont des questions extrêmement complexes. Hein. Mais qu'on est obligé de poser. Rousseau est un penseur de la République, hein, c'est un penseur républicain. Ce n'est pas forcément un apôtre de la démocratie, hein, comme forme de gouvernement. Il privilégie du point de vue des formes de gouvernement l'aristocratie élective, hein, pour des raisons dans lesquelles j'entrerai pas, mais qui tiennent notamment au fait que justement la volonté générale doit avoir des objets généraux et elle risque toujours de se corrompre quand elle a des objets particuliers. Donc la fonction gouvernement doit être exercée par des titulaires, hein, qui sont précisément pas le peuple souverain, pour éviter ce processus de corruption. Hein, Rousseau dit en démocratie on aurait un gouvernement sans gouvernement. Ça c'est paradoxal parce qu'on se dit si la volonté générale fonctionne dès lors que celle-ci s'exerce au profit de chacun et donc que chacun n'ait pas l'impression de se défaire de sa liberté quand il la remet entre les mains de la volonté générale, on a du mal à voir comment celle-ci peut être exercée par autre que lui-même. Alors ce n'est pas la volonté générale qui est exercée par quiconque, hein, parce que la volonté générale, elle ne se représente pas. Hein, la souveraineté pour Rousseau est indivisible, inaliénable, irreprésentable, absolue. Donc elle a toutes les marques de la souveraineté que Hobbes avait lui-même déterminées, avec ce point fondamental qui est que Rousseau critique, hein, la représentation de la souveraineté. C'est-à-dire que le peuple doit toujours ratifier les lois. Et Rousseau dit très bien, pour qu'il y ait volonté générale, il ne faut pas forcément qu'il y ait unanimité dans l'Assemblée, mais il faut que toutes les voix soient comptées. Ça, c'est absolument indispensable. Et donc, il faut que le peuple ratifie les lois. Ça, c'est un point fondamental. Le gouvernement, lui, il peut émettre des décrets, ce ne seront pas des lois. La loi, comme expression de la volonté générale, elle doit toujours avoir été ratifiée par le peuple. Donc le gouvernement est second, c'est ça que vous dites? Il est secondaire, il peut toujours être l'objet d'une destitution par le peuple souverain. Hein. Les assemblées du peuple se commencent toujours par, finalement, est-ce que vous voulez conserver la forme du gouvernement? Est-ce que vous voulez destituer ses titulaires? Hein. Donc le peuple reste maître du point de vue du gouvernement. Donc le peuple, selon Rousseau, dans le contrat social, est en fait l'idée d'un peuple tellement éduqué à la chose politique qu'il pourrait se passer d'un gouvernement. Alors il ne peut pas s'en passer parce que tout peuple a besoin, disons, de régir les affaires particulières qui demandent de la célérité, qui doivent se décider dans l'urgence. On a toujours besoin d'un gouvernement, hein. Rousseau en est parfaitement convaincu. Et s'il défend l'aristocratie élective, c'est d'ailleurs parce qu'il pense qu'il faut une certaine sagesse, un certain nombre de compétences pour exercer cette fonction. Par exemple, décider de la guerre et de la paix, ça relève du gouvernement. Donc ça ne relève pas de la souveraineté. Qu'est-ce qui relève de la souveraineté et donc des lois, hein, les lois comme expression et déclaration de la volonté générale. Et bien finalement, des questions que nous appellerions constitutionnelles, hein, des questions fondamentales. Par exemple, est-ce que l'égalité, hein, doit être portée par le corps politique? Est-ce que la paix doit faire partie des objectifs pour Rousseau? Évidemment. Hein, et donc, en fait, la généralité doit s'exprimer sur des questions vraiment très générales. Hein, pour Rousseau, ne pas décider précisément de questions précises comme le montant de la fiscalité, c'est quand même ça qui relève du gouvernement. Qui se passe en ce moment. Alors, un dernier point, mais décisif, que je voudrais qu'on aborde ensemble, Céline Spector. Dans quelle mesure est-ce que l'élargissement de l'amour de soi jusqu'à la patrie, ce que vous disiez, hein, qui est la condition de l'exercice d'une politique générale, peut s'élargir davantage à un ensemble de patries? Je pense à l'Europe. Par exemple, dans quelle mesure est-ce que Rousseau et le concept même de contrat social, l'idée même de contrat social, est-il applicable à l'idée de l'Europe? On va écouter un dernier texte ensemble, très court, hein, où justement Rousseau semble aborder directement cette question-là, et vous nous direz ensuite ce qu'il en est. Voyons comment la société libre et volontaire qui unit tous les États européens, prenant la force et la solidité d'un vrai corps politique, peut se changer en une confédération réelle. Il est indubitable qu'un pareil établissement, donnant à cette association la perfection qui lui manquait, en détruira l'abus, en étendra les avantages et forcera toutes les parties à concourir au bien commun. Mais il faut pour cela que cette confédération soit tellement générale que nulle puissance considérable ne s'y refuse. Quel est un tribunal judiciaire qui puisse établir les lois et les règlements qui doivent obliger tous les membres? Quelle est une force coactive et coercitive pour contraindre chaque État de se soumettre aux délibérations communes, soit pour agir, soit pour s'abstenir? Enfin, qu'elle soit ferme et durable, pour empêcher que les membres ne s'en détachent à leur volonté, sitôt qu'ils croiront voir leur intérêt particulier contraire à l'intérêt général. Voilà les signes certains auxquels on reconnaîtra que l'institution est sage, utile et inébranlable. Voici comment, dans cet extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l'abbé de Saint-Pierre, c'est le titre du texte, Céline Spector, Rousseau s'adresse directement à cette possibilité d'une union entre les États européens et il semble aller dans le sens d'un renforcement des institutions pour que l'Europe elle-même puisse perdurer. Alors, je voudrais juste dire un mot du statut du texte, hein, qui a été republié notamment par les soins de Bruno Bernardi, Gabriel Silvestrini, Blaise Bacofen, enfin qui a été réédité chez Vrin en 2008, hein, qui qui est un texte tout à fait particulier dans la trajectoire intellectuelle de Rousseau, puisque c'est un texte de commande, en fait, hein, donc on confie à Rousseau les manuscrits de l'abbé Saint-Pierre, qui a été très connu à l'époque, beaucoup moins aujourd'hui, et notamment son projet de paix perpétuelle, hein, qui date, hein, pour sa première édition de 1713. Et Rousseau, en fait, face à ce livre, hein, gros, énorme, volumineux, décide de faire à la fois un extrait, donc un résumé rationalisé, hein, pour le dire vite, hein, avec les meilleurs arguments en faveur du projet, et en même temps un jugement où il va le critiquer, hein, de manière radicale. Alors, dans l'extrait, et le texte que vous avez lu voilà, relève de l'extrait, Rousseau va essayer de déterminer tous les arguments en faveur du projet institutionnel de Saint-Pierre, avec l'idée qu'il peut y avoir un contrat social européen qui reproduise au niveau des États ce que le contrat social avait proposé au niveau des individus. Donc l'idée d'une association des peuples européens, et pas simplement d'une ligue des princes, qui permette de créer un corps politique européen. Et donc Rousseau va donner, hein, dans ce texte, hein, tous les arguments qui permettraient de penser ce contrat social européen, avec l'idée qu'on pourra instituer un tribunal d'arbitrage et éviter la guerre perpétuelle en Europe. Et dans le texte que vous avez fait lire, ce qui est fondamental, c'est qu'en fait, il y a une subtile différence entre l'abbé de Saint-Pierre et Rousseau, hein, même s'il essaye de restituer ses idées au mieux. La subtile différence tient au fait que Rousseau garde son propre modèle du contrat social en tête. Et dans ce modèle du contrat social, il y a l'idée que pour qu'un contrat soit un vrai contrat d'association, ben il faut que les individus se sentent liés, se sentent obligés, que personne ne puisse se détacher et détacher son intérêt particulier, c'est-à-dire faire œuvre de passager clandestin, de free rider. Ce pourquoi, comme dit Rousseau dans le contrat social, il faut forcer les individus à être libres. La formule a effrayé les libéraux, mais en réalité, ce que ça signifie, c'est tout simplement que le citoyen doit se sentir lié au destin de l'État. Donc un texte à relire avant les élections européennes. Merci beaucoup Céline Spector d'être venue nous en parler ce matin du contrat social avec une présentation de Bruno Bernardi qui sera mon invité jeudi prochain. On le trouve notamment en Garnier Flammarion. On se quitte avec la constitution du peuple par le peuple. Ce sera le sujet de l'émission de demain et c'est Dépêche Mode qui le chante. Dépêche-mode sur France Culture, les chemins de la philosophie, Dépêche-mode et Géraldine Bossin-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. On parlait du contrat social et vous nous parlez de passion sociale. Jusqu'où la société peut-elle se fonder sur les passions, colère, peur, indignation, amour, confiance ou empathie, etc. Toutes ces émotions, affects ou sentiments suffisent-ils à cimenter à la naissance et dans la durée une société? Comment peuvent-elles compléter, justifier ou faire perdurer un contrat social? Ces questions, j'imagine, ne sont pas étrangères à celles soulevées par Rousseau, mais elles sont aussi abordées dans un ouvrage collectif paru au PUF sous la direction de Gloria Origi. De la lettre A comme admiration ou ambition à la lettre X comme xénophobie, cet ouvrage collectif croise la philosophie avec les sciences sociales et la psychologie et s'affronte autant aux problématiques classiques de l'amour-propre et de l'honneur qu'aux problématiques plus contemporaines comme le genre et le racisme. Exemple avec trois passions et on commence avec la lettre C comme célébrité. C'est inimaginable, c'est superbe. Quand un journaliste policé se trouva chargé de la rubrique célébrité, il ignorait ce qui l'attendait. Il va percuter les quatre personnes les plus délirantes qu'il ait jamais rencontrées. une starlette provocante. Je me rappelle que je m'allongeais sur mon lit, toute nue, et je regardais mon corps se développer. Un célèbre acteur disjoncté. Merde, t'aimes, moi ! Une jeune actrice ambitieuse. Tu fais quoi plus tard ? Et un top modèle. Oh mon Dieu, ok, on va s'en aller. Qui vont l'entraîner dans une équipée mémorable. En quoi la célébrité est-elle une passion sociale et en quoi peut-elle contribuer à façonner une société ? À lire l'article dans ce livre de Nathalie Hennig sur le sujet, il n'y aurait, je cite, rien de plus social que la célébrité puisqu'elle n'opère que dans le regard d'autrui. Relevant d'une forme spécifique de capital social, un capital de visibilité qui distingue les gens connus des gens ordinaires, la célébrité a la particularité d'être éminemment publique, de n'exister que par l'exposition d'un être dans l'espace public et de faire jouer des relations d'interdépendance entre célébrité et admirateur de célébrité. Mais voilà, suffit-il de mettre en relation des individus pour devenir une passion proprement sociale ? Suffit-il d'apparaître dans l'espace public pour fonder et cimenter une société ? La célébrité, pour sa part, a ceci d'ambivalent. Elle expose et établit des liens et des rangs sociaux, mais elle distingue aussi. Elle hiérarchise entre les gens connus et les gens ordinaires. Elle inégalise et discrimine. Et surtout, à la différence de son ancêtre, l'honneur, elle ne repose sur rien. Voilà le paradoxe. La célébrité contribue à structurer la société, mais inégalise. Également, elle la structure sur une déstructuration. Alors comment penser une passion sociale positive ? Je passe à la lettre E comme esthétique. Cinéma, musique, peinture, théâtre, l'art apparaît comme un lieu privilégié de rencontre entre individus, de communication intersubjective, de la discussion animée autour d'une série et de ses multiples interprétations au plaisir, voire la communion populaire lors d'un concert, en passant donc par les hymnes nationaux aimés ou contestés qui attestent du sentiment commun d'un peuple. Kant puis Arendt ont d'ailleurs fait des jugements esthétiques, le fondement d'un espace commun. Mais que partage-t-on vraiment dans un concert ou avec un hymne ? Alors que la célébrité questionnait l'idée d'une passion qui soit vraiment sociale et structure positivement la société, avec l'art, on peut se demander de quoi est faite la passion sociale ? Est-ce que ce sont des sensations, des sentiments ou des émotions ? Comment appeler ce qui lie les individus quand il s'agit de ressentis et non de principes ? Les passions peuvent mobiliser, mais peuvent-elles initier une action ? Et enfin, vous l'aurez compris, passons à la lettre P comme peur. Dans la tradition philosophique, la peur est autant ce qui paralyse un individu que ce qui le mobilise. Chez Aristote, elle freine l'élan. Chez Hobbes, au contraire, elle pousse l'individu et la société à se conserver. Avec la peur, se dénouent précisément les paradoxes des passions sociales, car la peur est aussi une passion qui permet de canaliser les autres et qui permet de s'activer contre le danger et pour continuer à vivre. C'est une passion qui soude. Alors reste à savoir pourquoi on a besoin d'une passion si négative pour se mobiliser. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre de cet ouvrage passionnant. Eh bien tout simplement Passion sociale, c'est au PUF et c'est sous la direction de Gloria Origi avec un article de vous, c'est l'inspecteur Justice. Vous aurez remarqué mon jeu de mots, un ouvrage passionnant sur les passions. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Izzy Jourda qui m'a aidé à préparer cette émission. Un grand merci à Colomba Grossi qui m'a également aidé à préparer cette émission, ainsi qu'à Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier. Un très bon anniversaire à Anaïs Isbert derrière la vitre ce matin. Merci à Thomas Beau qui réalise cette semaine, à Clément Daté à la prise de son. La lecture des textes aujourd'hui était faite par Denis Podalides et par Pierre Rochefort. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions sur le contrat social de Rousseau. Demain, on se demandera comment on passe de la multitude au peuple, l'occasion d'affiner et de préciser davantage encore la discussion que nous avons eue aujourd'hui avec Céline Spector. Mon invité sera Frédéric Brahami. D'ailleurs, de Céline Spector, je ne l'ai pas dit, mais beaucoup d'ouvrages, on peut lire sur le sujet de Rousseau que vous avez écrit, Céline Spector, on les mettra tous en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. De quoi agrémenter votre réflexion, chers auditeurs. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, vous pouvez soit réécouter cette émission en ligne, soit, d'ailleurs, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez la podcaster, la télécharger pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram où nous serons ravis de répondre à vos questions et commentaires. À demain, 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.